Eh bien, salut à toutes, salut à tous, Serge en votre compagnie sur Fadjet pour les 60 minutes à venir. Si vous étiez à l'écoute la semaine dernière, vous savez que l'on va consacrer ce nouveau numéro de coup de cœur à la poursuite de la carrière, de la découverte de la carrière de Michel Berger avec en prime, le nouveau titre inédit que nous vous diffuserons avant la fin de l'émission. Et puis, on va revenir sur la période 80 jusqu'à son décès. En fait, cette année 80 est une année charnière pour Michel Berger. Après l'immense succès de l'opéra rock Starmania que l'on a évoqué la semaine dernière, créé au Palais des Congrès de Paris, Michel Berger ne s'endort pas sur ses lauriers. Bien au contraire, puisqu'il écrit et compose un album pour France Gall et un autre pour lui-même. Ce nouvel album, Beau Séjour, marque véritablement un tournant dans sa carrière. Sur ce 30 cm de 10 titres, figurent pas moins de 3 tubes. Celui qui chante, Quelques mots d'amour et La groupie du pianiste. L'album composé et écrit pour France contient également de très beaux succès comme Il jouait du piano debout, chanson écrite en hommage à Jerry Lee Lewis. Contrairement à leur habitude, Michel Berger et France Gall sortent leur album simultanément au printemps 80, si bien que pendant tout l'été, ils se disputent les premières places des hit-parades. Une semaine, Michel est en tête avec des ventes de La groupie du pianiste. Et la suivante, c'est France Gall qui le dépasse avec Il jouait du piano debout. C'est en observant les fans, notamment au moment du succès de Starmania, que Michel Berger trouve l'inspiration de La groupie du pianiste, traitant du quotidien d'une fan amoureuse d'un pianiste qui se soucie bien peu d'elle. Grâce à un merveilleux texte et une mélodie très travaillée, Michel Berger fait de cette chanson un immense succès et surtout une référence incontournable de son répertoire. Durant l'année 80, l'été 80, le son Michel Berger est, vous l'aurez compris, sur toutes les ondes, ce qui n'échappe pas à un célèbre chanteur anglais qui vise le marché français. Ce grand artiste, également pianiste talentueux, s'appelle Elton John. En cet été 80 toujours, en France, les deux tubes qui évoquent un pianiste sont signés Michel Berger. Et curieux, Elton John décide donc, grâce à Eddie Barclay, d'entrer en contact avec l'auteur-compositeur de ces tubes français. Lorsqu'il appelle une première fois au début de juillet 80, Michel Berger, croyant qu'il s'agit d'une blague, lui raccroche au nez. Elton John ne se décourage pas pour autant et fait une seconde tentative qui, cette fois, est prise au sérieux et donne lieu quelques mois plus tard à une collaboration artistique pour le duo Donner pour Donner entre France Gall et Elton John. Je vous propose un premier break musical, La groupie du pianiste dont je viens de vous parler, et puis ce sera Donner pour Donner, ce duo mythique. Il a

Allez, et de une, et de deux, et de trois, j'ai ramené trois petites coccinelles au studio. Une invasion à la campagne en ce mois d'octobre très doux dans la région. Plein de petites coccinelles. Bon, allez, on vient à notre coup de cœur. Michel Berger, 1982. C'est l'année où il crée sa propre maison de disques qui s'appelle Apache. Par contre, il connaît un échec avec son album américain Dreams in Stone, enregistré en 1981. Mais on peut dire que cela n'aura aucune incidence sur la suite de sa carrière. En effet, il aligne d'autres chansons à succès comme Mademoiselle Cheng en 81, Voyou, elle est Prince des Villes en 83, Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et Il n'y a pas de honte en 85. 1982 est également l'année de la sortie du film Tout feu tout flamme dont il est l'auteur de la bande originale. Il fait partie des artistes français à s'être engagé de très près dans les œuvres humanitaires, particulièrement pour celles d'Action École en 1985 aux côtés de France Gall, Richard Berry, Daniel Balavoine, Lionel Rodkage, mais aussi pour l'Éthiopie avec Renaud dans Chanteurs sans frontières et pour les Restos du cœur avec Coluche. On va justement écouter Il n'y a pas de honte, Michel Berger. Et puis, une nouveauté. Alors, une nouveauté, c'est important pour elle. Cette année 2022 sera l'occasion de fêter ses 60 ans de carrière. J'en parle souvent. On vient de lui réorchestrer une chanson qui a 43 ans. Ça s'appelle Samedi soir. Et franchement, si en boîte de nuit, vous ne dansez pas là-dessus, je comprends plus rien. Et puis, ce sera l'occasion aussi d'écouter la version originale. Donc on retrouve après Michel Berger, Sheila, samedi soir une nouveauté 2022 et juste on enchaînera avec la version originale et puis vous pourrez comparer de cette façon-là. Michel Berger. Y'a pas de honte à aimer ça. Non, pas de honte. Y'a pas de honte. Non, non. Et je le dis souvent, il n'y a pas de honte à aimer Sheila. On l'écoute tout de suite. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Sont toujours gris, heureusement qu'il y a au bout l'éclaircie. J'ai pensé, on en parle entre amis, c'est notre sujet favori. Le samedi, je sors le samedi soir, et si vous pouviez me voir, je me sens belle, tout me paraît permis. Je sors le samedi soir et je danse, mais pas trop tard. Je me fais mon silence dans la musique et le bruit. J'ai pour deux ou trois jours de souvenirs. Après j'imagine des folies à venir. Je rêve du garçon qui d'un sourire m'a presque promis qu'il allait revenir. Je sors le samedi soir et si vous pouviez me voir, je me sens belle, tout me paraît permis. Je sors le samedi soir et je danse mais pas trop tard, avec l'espoir de rencontrer enfin l'homme de ma vie. Quelque chose irrésistiblement nous a rapprochés l'un de l'autre, tendrement. Il n'est plus question de nous quitter, nous allons vivre intensément, désormais. Je sors le samedi soir et si vous pouviez me voir, je me sens belle, tout me paraît permis. Je sors le samedi soir et je danse mes pas. Je vous rappelle que Sheila entame une grande tournée en France, en Belgique, en Suisse et qu'elle passera par la salle Pleyel à Paris les 11 et 12 novembre prochains. J'y serai, je vous raconterai. Et puis, eh bien, on retourne tout de suite avec le coup de cœur Michel Berger, notamment en 1985, année durant laquelle il réalise et écrit l'album Rock'n'Roll Attitude de Johnny Hallyday. Pour ce dernier, il réalise encore le double album live Johnny à Bercy, captation du spectacle Johnny se donne à Bercy, qu'il met en scène et qu'Hallyday donne en septembre 87 au Palais Omnisport, donc, avant de réaliser celui de France Galles à la fin de la même année, le Tour de France 88. En 88, dans une interview à Michel Denisot, une petite citation soit dit en passant, il déclare être fasciné par Vanessa Paradis. Allez, on écoute le taulier, quelque chose de Tennessee, Johnny Hallyday. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un écran. un seul amour sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Que vous soyez à une terrasse de café pour profiter de ce joli soleil du mois d'octobre, que vous soyez sur votre banquette, que vous soyez dans votre voiture, soyez les bienvenus dans Coup de cœur sur Fadjet. C'est un coup de cœur spécial Michel Berger et on revient à l'année 1986 après un concert au Zénith, année de la mort de ses amis Daniel Balavoine et Coluche. Il n'écrit à partir de cette période que des chansons pour France Gall, pour l'opéra rock La Légende de Jimmy et en 1988, il réalise avec sa propre équipe de musiciens la version d'Alla tirée de l'album de Véronique Sanson. Ce titre est censuré et à la suite de l'affaire des versets sataniques de Salman Rushdie, lui vaut de recevoir des menaces de mort. La chanson raconte le périple d'une femme kamikaze, je pense que vous la connaissez, on va justement la réécouter, version Véronique Sanson. Pour l'amour d'un homme, elle avait quitté l'Ouest en automne. Elle était un peu folle, elle ne craignait ni Dieu, ni personne. Tout l'été, ils se sont vraiment préparés. Tout l'été, ils ont beaucoup voyagé. Elle était là debout, sous le regard flou de son homme. Et dans sa robe rose, elle avait mis des choses qui détonnent. Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Non, ah, à quoi te sert d'avoir? Le camion explose, elle a donné sa vie pour ta cause. La mort est sur le sable, te sens-tu mutilé dans ton âme? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi? Yeah. Non. promise est faite. Et si c'est ça que tu veux, tout le monde fermera les yeux. À quoi te sert d'avoir un enfant? Pourquoi ce feu se tonnerre? Au nom de quoi fais-tu la guerre? À quoi te sert d'avoir un enfant? C'est pour souiller le désert avec le sang versé pour Allah. Quoi le feu et la misère? Prie pour la fin de la guerre, délivre-les du mal. Allah. Pourquoi le feu et le tonnerre? C'est en ton nom qu'on se bat. Allah. À quoi te sert d'avoir un nom? Pourquoi la faim, la misère? Si j'étais toi, je serais pas fière. Mais c'est de toi qu'on se sert, délivre-les du mal. À quoi te sert d'avoir un enfant? Si tu as trois vœux à faire, choisis-les bien parmi tes pères. Et c'est de toi qu'on se sert, c'est en ton nom qu'on se bat. En 1990, Michel Berger compose un nouveau spectacle musical dont le texte est toujours écrit par Luc Plamondon. Ça s'appelle La légende de Jimmy, inspiré de la vie de James Dean, avec notamment Diane Tell, Renaud Hanson, Tom Novembre, Nanette Walkman et une mise en scène signée Jérôme Savary. Hélas, ce spectacle obtient un assez maigre succès. Il revient ensuite en tant que chanteur avec l'album « Ça ne tient pas debout » dont « Le paradis blanc » dans la même année, qui sera son dernier succès en solo. Le 12 juin 1992 sort un album interprété pour la première fois en duo avec France Gall, « Double jeu ». J.E.U. Et le 22 juin, jour de leur 16e anniversaire de mariage, le couple donne un concert intimiste à la salle New Morning à Paris. Une tournée est programmée, elle devait débuter à la Cigale de Paris, faire étape dans plusieurs grandes villes du monde comme à Phnom Penh où le couple avait séjourné l'année précédente, également parcourir la francophonie et s'achever au Palais Omnisports de Paris-Bercy. On va voir que le destin en a décidé tout autrement. Je vous propose de retrouver Diane Tell, la légende de Jimmy. Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai à travers lui, et pour lui tu me donneras le meilleur de ta vie. Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai. De Jimmy. Même si la vie nous désunit, il restera entre toi et moi la légende de Jimmy, la légende de Jimmy. Votre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Y'a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer. Et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Commencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai, et qui aimer ou condamner. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent. Comme avant. temps, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Jolie chanson. 1992, Michel Berger se ressource dans sa propriété de Rabatuel dans le sud de la France auprès de son épouse France Gall. Il meurt le 2 août d'une crise cardiaque à la suite d'une partie de tennis avec Marie-Françoise Holtz, épouse du journaliste Gérard Holtz, présent lui aussi sur les lieux. Fabienne Thibault, qui a collaboré avec l'artiste entre 78 et 79, considère que c'est l'enregistrement de l'album Double Jeu qui aurait épuisé Michel Berger en raison de désaccords artistiques avec France Gall, hein, puisque c'était un album en duo, et que le supposé règlement de ses problèmes de couple avec l'avocat aurait engendré chez lui une grande anxiété. Ça, ce sont des suppositions émises par Fabienne Thibault. Il a été inhumé au cimetière de Montmartre à Paris et après une bataille juridique l'opposant à la sœur de Michel, France Gall obtient en octobre 99 le transfert de la sépulture de Michel Berger dans la concession de Pauline, leur fille, située à quelques mètres plus loin et que la chanteuse fait transformer en maison de verre le 12 décembre 2012 pour être précis. À la suite de la mort de Michel Berger, France Gall assurera seule les concerts de la tournée Double Jeu programmé à travers la France, la Suisse et la Belgique. Je vous propose de les retrouver dans un duo extrait de cet album Double Jeu, Laissez passer les rêves. Vaut bien la révérence. oiseau qui veut battre les ailes pour attraper le ciel. Laissez passer. Personne ne s'y attendait. Eh oui, un morceau inédit de Michel Berger a été dévoilé le vendredi 7 octobre dernier. La chanson intitulée « Vivre » a été écrite il y a plus de 40 ans, a été enregistrée en 80 aux États-Unis à l'occasion des sessions de Beau Séjour, le cinquième album studio de l'artiste disparu donc en 92 et dont on a parlé tout à l'heure. Le titre avait été enregistré en même temps que les autres tubes très connus, Groupie du pianiste, Celui qui chante, etc. Mais il avait été finalement écarté, faute de place sur le disque. C'était un album résolument orienté vers les années 80 et le titre « Vivre » a plus un feeling des années 70. C'est une des raisons pour lesquelles il était mis à l'écart. Je vous propose de l'écouter « Vivre » Michel Berger. Nouveauté. Nouveauté. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin et je me sens mieux dehors. Vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, plante, grimper, sève, rentre dans nos corps, venez danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines, entrez dans le sang de nos veines, nous devons devenir forts, nous devons vivre. Il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez. Relevons votre défi et nous lançons notre cri. Vivre. Planètes inhabitées, grands cailloux de l'univers, écoutez la folie de la terre. Vivre. Nouveauté. Nouveauté. Vous ne l'aviez encore jamais entendu, je suis très heureux de vous avoir fait découvrir ce titre inédit de Michel Berger, de notre coup de cœur de ce jour. Quelques petits mots sur sa vie privée. De son union le 22 juin 1976 avec France Gall, sont nés deux enfants, Pauline Isabelle, née en novembre 1978, qui décédera en décembre 1997 d'une mucoviscidose, et Raphaël Michel, né le 2 avril 1981. À Paris, Michel Berger a vécu avec France Gall à la villa de Beau Séjour dans le 16e arrondissement. Quoi vous dire d'autre ? En 1986, le couple emménage dans un immeuble haussmannien près du parc Monceau dans le 17e, où tous deux passent le reste de leur vie. Dans les années 70, ils ont acquis aussi une maison du Clos Saint-Nicolas, une résidence près d'Honfleur en Normandie. C'est ici que le chanteur aurait composé le tube « Résiste ». Selon Confidence en 2012 de Franca Hamburger, la sœur de Michel Berger, un proche collaborateur de Véronique Sanson, Bernard Saint-Paul également, il dirait qu'il vivait une histoire sentimentale avec une jeune mannequin et apprentie chanteuse durant les mois précédant sa mort en 92 et projetait de s'installer avec elle dans une maison à Santa Monica. L'agent de Michel Berger et de France Gall, qui avait cessé de travailler pour eux en 80, affirme que France Gall était parfaitement au courant de la liaison extra-conjugale de son époux et qu'elle en parlait librement. Selon Jean-Marie Perrier, photographe qui a partagé la vie de France Gall quelques mois après la mort de son mari, ils n'étaient plus ensemble depuis pas loin de 4 ans. Enfin, hélas, ni l'un ni l'autre ne pourront nous confirmer ces dires. Je vous propose que l'on clôture ce double coup de cœur Michel Berger avec un live, hein, comme d'habitude. C'est Mademoiselle Chang qui est au rendez-vous, enregistrée, captée au Palais des Sports en 1983. Loin de ses origines, de son histoire, elle cherche à perdre la mémoire. Loin de la mousson et du ciel bleu noir, dans un monde qui n'a rien à voir, déraciné par le hasard. Mademoiselle Chang, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Mademoiselle Chang, vous savez être temps, se rapproche de vous, sans que vos yeux le mentent, les siens se font plus doux. Elle vous dit dans sa langue les mots qu'on dit partout. L'amour, elle l'appelle seul à nard. L'amour l'a oublié là. Mademoiselle Chang, Mademoiselle Chang, ouais, elle s'est cachée derrière son regard. Toutes ses joies et tous ses désespoirs, ouais, son incorrigible espérance. Son sourire, c'est sa force immense. Son sourire, c'est son arme blanche. Mademoiselle Chang, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Mademoiselle Chang, vous savez être temps, se rapproche de vous, sans que vos yeux ne mentent, les siens se font plus doux. Elle vous dit dans sa langue les mots qu'on dit partout. L'amour, elle l'appelle seul à nord. Là. C'est déjà la fin de cette émission. Ce fut un réel plaisir de vous accompagner, de vous faire partager ces chansons, cette vie un petit peu tumultueuse de Michel Berger, trop courte bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur classique. Je ne vous dis pas de qui il s'agit. Rappelez-vous, chaque premier jeudi du mois, c'est-à-dire dans deux semaines, c'est les hits coup de cœur, un classement de nouveautés que nous avons préférées. Il y aura certainement ce que vous avez entendu durant les émissions de ce mois-ci, peut-être quelques surprises, du fait que c'est une fois par mois un turnover important, du fait qu'il n'y a que 15 titres également. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, profitez bien des derniers rayons de soleil, il y en aura peut-être encore un petit peu pendant quelques semaines, pourquoi pas. Salut !